Déjà, moi, dès que je fais un produit ou quoi, je fais tester par ma famille. Donc, ma Ouais. mère et ma sœur sont mes premières clientes. Cliente numéro Et une. du coup, ma sœur est très dure et ma mère est très connaisseuse. Donc, du coup, dès qu'elles m'ont donné leur go, j'ai dit c'est bon. C'est la Après, charte Claret, en voilà. fait. Bonjour à tous. 55e interview à visage caché aujourd'hui sur le thème les poudres de make-up naturelles entre Alice. Hello. Coucou Alice. Moi c'est Alice. Passionnée par l'univers de la beauté et du bien-être, j'interviewe dans chacune de mes émissions un invité à visage caché. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer. Si vous aimez le concept de beauté imaginée, où on peut parler ensemble de beauté sans s'exposer, vous pouvez me soutenir en mettant une bonne note au podcast. Ça augmentera sa visibilité et moi je pourrai interroger de plus en plus de monde. Et on peut également se rejoindre sur les réseaux. Vous pouvez soutenir ma page Instagram, YouTube, TikTok, Beauté Imaginée, pas d'accent, tiré du 8 entre les deux mots. Je vous dis à bientôt. Donc merci déjà Alice d'avoir accepté cette invitation. Ben, merci de m'avoir accueillie. Ah, ça va être cool d'échanger sur ta marque et son parcours. On s'est rencontrés, toi et moi, virtuellement, il y a quelques mois, quand je démarchais des marques de maquillage naturel pour ma saga Maquillage naturel pour le réveillon. Et j'ai été séduite par tes poudres aux jolies couleurs, fabriquées en France, et aux compositions minimalistes. Moi, j'avais testé la teinte brownie et j'avais donc voulu l'intégrer à notre look complet avec Maman Soso, qui est ma belle modèle pour cette saga de maquillage. Et toi, tu as alors accepté de participer à cette aventure et d'intégrer tes produits à notre look complet. Donc, merci encore. Et chers auditeurs, vous aussi, vous pouvez découvrir les produits Claret Cosmétiques. Alice met en ligne un code promo. Est-ce que tu peux nous le dire, Alice? Oui, alors c'est un code promo qui permet d'avoir 15% de réduction sur toute la marque Claret Cosmétiques sur mon site. Et c'est le code Alice. 15, on a fait simple. Et oui, c'est ça. Génial. Ouais, donc bah merci pour ce code. Donc chers auditeurs, si vous souhaitez découvrir ou faire des cadeaux, peut-être on est encore dans les temps là pour les cadeaux de fin d'année. On va vous raconter du coup l'histoire d'Alice et puis juste après, vous aurez quatre informations à deviner. Les voici. L'âge d'Alice d'abord, le domaine dans lequel Alice a repris ses études récemment. Et, tenez-vous bien, avec quel membre d'une famille mondialement connue Alice a-t-elle fait la tour de la terreur à Disney? Et enfin, pour le concert de quel groupe de musique Alice a-t-elle travaillé cet été? Sophie nous dit « J'ai pu tester les produits et j'adore le rendu, notamment la poudre paupière, une tuerie. » Et oui, faut dire que ça a été très bien appliqué sur Sophie, donc évidemment, ça joue Merci aussi. Beaucoup. Et oui, ça... C'est une très jolie et subtile couleur que je porte aussi actuellement pour le brownie. Et ça se marie super bien avec le look de Sophie, en l'occurrence, pour le réveillon. Donc, ouais, très, très belle découverte. Alors, toi, du coup, Alice, tu as eu plusieurs vies professionnelles. Quelles études au départ tu avais suivies avant Claret Cosmétiques? Alors, j'ai commencé par une filière assez générale. J'étais en licence économie-gestion. J'ai poursuivi avec un master 1 en économie-gestion, enfin gestion d'entreprise. Et j'ai terminé avec un master 2 qui s'appelait MBA Management de la production audiovisuelle. Donc vraiment rien à voir avec les cosmétiques, puisque moi j'ai étudié plutôt dans l'audiovisuel à la base. Et oui, donc tu étais, quel a été ton poste dans ce domaine? Alors, j'ai commencé dans une chaîne de télé et j'étais assistante antenne et programmation. Donc, bon, c'était un travail de bureau assez classique, mais voilà, je m'occupais de tout ce qui était programmation. C'était une petite entreprise, donc je faisais plein de choses au final, aussi de l'événementiel. Je m'occupais des monteurs, de tout ce qui est montage, les voix off, les bandes annonces. Enfin voilà, très passionnant parce que bah, quand on est dans une petite entreprise, on touche un peu à tout. Oui. Et du coup, voilà, dans cette chaîne, bah, c'était mon premier poste de diplômée. Ouais, d'accord. Donc oui, tu voyais, enfin tu participais totalement à la création en fait de l'émission. Ouais, voilà, on avait plusieurs émissions, on faisait aussi les achats de programmes, puisqu'une chaîne, elle achète aussi des programmes à l'étranger, donc on démarchait des fournisseurs, on visionne des programmes, on regarde si ça nous plaît ou pas, si ça va marcher auprès du public, on regardait les audiences, c'est vraiment très complet, mais du coup, tu construis toute la chaîne dans son ensemble. Ah oui, ouais, Ouais. intéressant. D'accord. Et ça, c'est combien de temps en amont, en fait, tu vas, une fois que tu as repéré une émission qui est intéressante à l'étranger, en fait, après, il y a un délai très important, j'imagine, avant que ce soit vraiment tourné. Ah mais non, parce que généralement, en fait, ce qu'on faisait, c'est que en fait, en France ou dans n'importe quel pays, tu as des fournisseurs qui te vendent des émissions, donc qui sont déjà prêtes à être diffusées. C'est juste que bah, souvent, il faut les adapter en français ou alors avec des sous-titres, parce que bah, nous, on a pris pas mal d'émissions qui étaient en anglais. Donc, tu les visionnes et puis après, il faut faire soit le sous-titrage, soit la voix off. Donc, tu t'y prends un petit peu à D'accord. l'avance, puisque le fournisseur t'envoie les... Rush, enfin non, c'est pas les rushs, Oui. c'est les vidéos finales quoi en fait, mais eh ben il faut tout retravailler derrière, donc ça prend un petit peu de temps quand même, plusieurs mois. Oui, d'accord. Et puis Mais bah tu tu ne prends. retournes pas. C'est pas comme quand il Non. y a une adaptation de The Voice, par exemple, qu'on recrée. D'accord. C'est Non, non, du on avait, sous-titrage. oui voilà, on avait aussi nos propres émissions qu'on tournait nous-mêmes, et ça c'était tourné dans les conditions du direct. On avait des plateaux télé, mais on tournait dans les conditions du direct. Et généralement, c'était diffusé la semaine suivante, voire 2 semaines après, en fonction des timings. D'accord. Ah, Mais voilà. tu peux nous citer des émissions éventuellement sur lesquelles Ah oui, tu as travaillé? alors dans cette chaîne, je n'ai pas travaillé sur des choses bien connues, puisque c'était MCS Bien-être. Donc c'était une petite chaîne, comme j'en parle, généralement, on ne connaît pas trop, mais ça faisait partie du groupe Ma Chaîne Sport. On avait surtout des émissions de sport, par exemple. Donc c'était des programmes fitness, des programmes yoga. On avait des émissions sur l'Ayurveda. Et puis j'ai aussi travaillé sur. On a ouvert une chaîne cuisine, donc c'était des émissions de cuisine. Mais voilà, si vous disiez les D'accord. noms, vous en vous souviendrez pas. Émission de cuisine, pareil, qui venait De de l'étranger ou qu'on tournait l'étranger. nous-mêmes. On tournait aussi D'accord. nous-mêmes. On avait travaillé avec Fabrice Mignot, qui maintenant, je crois, est sur TF1. Je l'ai vu, il me semble, l'autre jour, qui était un chef. Et puis en fait, il faisait des émissions, donc on filmait avec lui. Hein, on avait plein de choses comme ça. Donc voilà, après, c'était pas mon Oui. seul travail en audiovisuel, donc j'ai fait plein d'autres émissions. D'accord. Mais voilà, donc, chez M16 Bien-être, en tout cas, c'est ce que j'avais fait. C'est marrant comme domaine. Enfin, moi, je ne connais pas du tout et ça intrigue beaucoup, je trouve. Et donc, tu as ensuite, enfin, finalement, c'est l'expérience qui t'a fait découvrir le monde de la beauté ou comment ça s'est oui, passé pour toi? ouais, en fait, bah, vu que c'était très axé sur le bien-être, on avait pas mal d'émissions aussi beauté. Et c'est vrai que je me souviens que vers la fin de mon contrat à MCS Bien-être, on avait tourné une émission. En fait, où on parlait de maquillage et notamment d'une marque assez connue qui m'avait bien marquée, qui était axée naturelle, bio, fabriquée en France, etc. Donc, en fait, ça a commencé un petit peu à me mettre la puce à l'oreille. Je me suis dit, ah, j'aimerais bien avoir ma marque de cosmétiques aussi. Et puis, je me suis vraiment intéressée à tout ça au moment où je travaillais dedans. Mais en fait, je m'y intéressais sans avoir ce projet derrière la tête. Le projet est venu bien après. Et en fait, tout mon savoir, tout ce que j'avais appris sur cette chaîne, sur tout ce qui était le bien-être, c'est ça qui a donné l'idée de la marque par la suite quand j'ai décidé de créer ma marque. Donc, D'accord. voilà. Bonjour Juju, et on a un compliment de Marion qui nous dit j'adore cette marque au quotidien comme pour les soirées. Trop gentil, merci beaucoup. Comment s'est passé le lancement de Claret finalement? Alors, eh ben, en fait, je travaillais justement chez MCS Bien-être. Donc, comme je l'ai dit, vers la fin du contrat, je commençais un petit peu à me dire que je voulais lancer ma marque de cosmétiques sans trop savoir plus que ça. J'ai eu un licenciement économique. donc chez MCS. Et à l'issue de ce licenciement, on pouvait choisir de continuer à travailler dans la boîte en France, enfin dans la nouvelle société, ou prendre le licenciement et créer son entreprise. Et en fait, on avait une aide financière pour se lancer, plus tout un accompagnement avec des formations si on voulait. Bon, ensuite, du coup, on avait Pôle emploi. Et en fait, j'avais commencé à travailler, à chercher un travail en extérieur. Et j'avoue que ça m'a un peu saoulée de refaire des CV, des lettres de motivation. Je me suis dit, bah, allez, je vais lancer ma boîte de cosmétiques. On y va. Donc, du coup, bah, j'ai dû faire mûrir mon idée. Donc, au début, je voulais juste lancer du maquillage. Pour moi, c'était vegan qui était important parce que je suis végétarienne. Sauf que vu que j'avais été forcément sensibilisée au bio, au naturel, fabriqué en France, je me suis dit forcément, je vais tout assembler. Ça va être compliqué, mais on va le faire. Et puis bah, après, je me suis fait aider par la structure qui nous aidait dans le licenciement. J'ai contacté la CCI qui m'a mise en relation avec le laboratoire avec lequel j'ai travaillé et je travaille toujours aujourd'hui. Et je me suis formée avec ce même laboratoire. En fait, ils proposaient des formations pour en apprendre plus sur les BPF, qui sont les bonnes pratiques de fabrication. Et donc, mon ancienne entreprise m'a payé cette formation et on a inclus dedans le développement d'un produit, donc de mon premier produit. Et je me suis formée avec ce laboratoire. Donc, mon idée a mûri encore plus parce que ben, j'étais accompagnée par des professionnels pour, enfin, des professionnels qui étaient vraiment dans le milieu cosmétique pour le coup. Donc, elles m'ont vraiment conseillée. Elles étaient deux. Et elles m'ont vraiment conseillée, aidée. Elles m'ont aidée à lancer mon premier produit, à le développer en entier. Donc, c'était vraiment cool parce que, bah, enfin, un tel service, ça coûte très très cher normalement, Ah sauf que là oui. c'était mon ancienne société qui me le payait, donc c'était tout bénef pour moi. Et puis bah, en fait j'ai tout appris là-bas, voir les fournisseurs, les matières premières, les contenants, tous les tests toxicologiques qu'il faut faire, les documents qu'on doit récupérer, et aussi comment faire quand on est une petite entreprise et qu'on n'a pas beaucoup de moyens, parce que souvent en Pour France on a communiquer des, notamment. oui, et même pour développer un produit, hein. Oui. C'est-à-dire que souvent, on pense qu'il faut des grosses machines, etc. Mais en fait, non, on peut faire avec des choses En qu'on trouve petite dans le commerce. série, comme on Voilà, dit. Ah, exactement. d'accord. Ouais. Et donc, ben, ça nous a vraiment. Enfin, ça m'a vraiment aidé de faire cette. Propulsé. Ouais. C'était vraiment top. Et je suis toujours en contact avec. Hein, donc, en fait, c'était une Ah bonne oui, collation d'accord. professionnelle, quoi. Donc, Ouais. du coup, voilà. Et puis, bah, petit à petit, j'ai rajouté un peu les idées. Le rechargeable, ça me tenait à cœur également, puisque c'était une de mes premières motivations au départ. Et puis, voilà. C'est un peu comme Ouais, ça au que ça niveau du s'est cahier fait. des charges, na naturel, vegan, Bio, bio, fabriqué en France. minimaliste, Voilà, c'était minimaliste, ouais. aussi dans tes Mais critères. minimaliste déjà parce que enfin, j'aime pas trop le superflu ou autre. C'est-à-dire que bah, vous remarquerez que moi, par exemple, j'ai pas des tuyaux carton autour de mes produits parce qu'en fait, je trouve que c'est superflu. Alors certes, ça fait peut-être mieux vendre, mais bon, bah, je trouve que c'est pas forcément pertinent d'avoir toujours ça. Après, bon, c'est mon avis, hein. Par contre, c'est vrai que pour certains produits, on n'a pas le choix. Par exemple, les petits Ah oui. produits comme le rouge à lèvres, on est obligé d'avoir tout l'étiquetage réglementaire. Sur un rouge à lèvres, ça ne tient pas parce que c'est petit. Donc là, je suis obligée de mettre un étui, par exemple. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, ouais, Mais ouais. on essaye de peser Tu le pour le coup. réfléchis Voilà. toujours à limiter au maximum les Ouais. déchets. Ouais. Et voilà. Après, je fais comme je peux avec les moyens que j'ai, puisque je suis une petite entreprise et il y a certaines choses où, voilà, on fait. Oui, il y a les limites évidemment Ouais. des moyens, mais du coup, tu as déjà réussi à rassembler plusieurs, à cocher beaucoup de critères. Quels ont été finalement les challenges principaux, tu dirais? Tu étais bien accompagnée, mais c'est quand même un gros projet. Ouais, alors mon premier challenge, franchement, ça a été pour la poudre de trouver le packaging. C'était, je m'en suis arraché les cheveux. Là, au départ, tu parles de la poudre teint La poudre ou libre, paupière? ouais, La pour le poudre teint. libre. Ouais, D'accord, donc oui. parce qu'en fait, je voulais absolument avoir un pot plat. Tout ce que je trouvais, c'était des pots assez épais, type pot de crème. ça ne m'allait pas. Mmh. Tout ce que j'avais, c'était des fournisseurs en Chine. Ah. Et en fait, idéalement, j'aurais préféré en verre, sauf Oui. que j'en avais trouvé un, hein, mais ma Mmh. formule n'était pas compatible avec du verre. En fait, ça laissait Ah des oui. dépôts gras sur les côtés, sur les parois, ça faisait pas beau. Mmh. Et puis, bah, en fait, ça laissait de la matière qui, du coup, était perdue, vu que ça restait collé. Ah. Pourquoi, Donc, qu'est-ce qui est gras dans ta formule? Comme c'est une poudre, c'est vrai que y a de spontanément. l'huile, il y a de Ah, il l'huile y a de de prune dedans, l'huile, l'huile de pour que quand prune. même ça accroche un minimum, hein, parce que sinon ça ne tient pas. D'accord. Et en fait, bah, j'ai été obligée de me rabattre sur le plastique, et vu que je suis une petite entreprise, j'avais pas non plus 10 000 choix, quoi. Enfin, parce que si on veut commander effectivement le packaging parfait, bah, il faut partir avec des quantités de 10 000 pots. Car moi, j'avais pas les moyens. Donc, D'accord. voilà, je voulais aussi trouver un tamis. Donc le truc qu'il y a dedans avec les petits trous. Ah Mais oui. c'était pareil, c'était vendu par 10 000, ça venait de Chine. Et puis bah en D'accord. fait, j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai trouvé une technique on met le pinceau dans la poudre, hein, comme je l'ai fait sur ma vidéo. Ensuite, on tapote dans le couvercle et ça va très bien. Ça fait une partie en plastique en moins. Donc au final, je me suis dit, bah c'est un mal pour un bien. C'est vrai. Ouais. Donc voilà, en fait, ce packaging, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. Le couvercle, c'était très dur aussi parce que je voulais absolument du noir mat et je trouvais que du noir brillant. Donc j'étais très exigeante et je crois que j'ai mis plusieurs mois à le trouver. Franchement, en fait, des fois, les challenges quand on est une petite entreprise, c'est 2 fois plus parce que bah, on doit trouver en petite quantité en fait. Oui, c'est ça le frein principal. Les fournisseurs ne veulent pas s'embêter, entre guillemets, avec des petites quantités. Quitte à faire Non. un projet, ils privilégient les grosses boîtes qui peuvent leur apporter tout de Et suite beaucoup voilà. d'argent. Et c'est D'accord. pour ça qu'il n'y a principalement que des grosses boîtes sur le marché, en Ouais, fait. Parce que bah, c'est ce c'est qu'on compliqué. appelle les barrières à l'entrée. Ouais, Exactement. d'accord. Ok. Donc. Mais tu as réussi, mais voilà, des mois, et finalement, enfin, c'est surprenant que le challenge soit plus sur le packaging finalement que sur la composition elle-même. Ben ouais, oui. En fait, les compositions, c'est assez simple quand on travaille avec du naturel. Enfin, après, moi, j'avais décidé de travailler sur des produits sans eau pour commencer parce que, bah, de un, c'est plus simple, ça prend moins de temps, ça coûte moins cher. Et puis, bah, j'étais pas encore, enfin, c'était les débuts, donc forcément, on commence avec des produits simples. Ouais. Et bon, j'ai quand même fait pas mal de tests, mais au final, on a réussi à trouver une formule qui allait bien, qui me convenait. Et du coup, bah, ça a matché. Donc voilà, ouais, non, la formule, ça va assez vite, puisqu'en fait, t'es une journée dans un laboratoire, tu fais plusieurs tests la même journée, et voilà, alors que bon, bah, le couvercle, enfin, le pot, il faut le temps que le fournisseur te l'envoie, que tu testes ta formule dedans, c'est plus long. Ça prend Plusieurs forcément jours, tout plus de ça. jours, donc oui. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et là, aujourd'hui, Claret Cosmétique, quelle est l'étendue de la gamme? Alors, j'ai du coup la fameuse poudre lip pour le teint. Donc en 3 teintes, j'aimerais faire des teintes plus foncées, mais j'ai du mal. Ouais. J'ai du mal. D'accord. Je ne trouve pas encore les bons ingrédients. J'ai les ombres à paupières en 3 couleurs également, celles que tu montres bien. Le pinceau pour la poudre libre, pinceau fabriqué en France, en Bretagne même, à la D'accord. main, donc et vegan. J'ai des petites lingettes, les petits carrés. De coton qui sont lavables en machine, qui sont faits en fibres de bambou et en coton bio. D'accord. Le sérum anti-âge. Et Ça, c'est un peu différent, du coup, on part un peu plus sur du soin pour le sérum. voilà, exactement. Bah, du coup, j'ai décidé de me diversifier parce que le maquillage, en fait, bah, c'est les cosmétiques. C'est plus simple de trouver des fournisseurs qui vont faire des petites quantités que pour le maquillage. Parce qu'il faut savoir Ah, que pour dans les une. soins. Ouais, voilà. En fait, dans les gammes, toutes les marques ne développent pas 100% de leur formule. Moi, j'ai développé moi-même la poudre et l'ombre à paupières. Après, ce qui se fait, c'est aussi, comme enfin, dans tout, en fait, c'est les laboratoires qui développent, du coup, des produits qu'ils vont vendre aux marques. Donc ce sera le même produit, mais on met juste notre logo dessus et on achète le produit. Donc ça se fait. Ça se fait pas qu'en cosmétique, hein, ça se fait aussi dans d'autres domaines, quoi. Et après, ça ne veut pas dire que la formule est mauvaise parce que le Pas laboratoire du a tout. aussi passé du temps. Mais disons qu'il n'y a pas finalement de vrai. Enfin, au Elle n'est pas niveau de, unique. du travail, ouais, elle n'est pas unique et il n'y a pas eu ce travail de recherche, d'avoir beaucoup de critères et tout ça, Ah quoi. ben si, parce qu'après le laboratoire a ses propres critères. Moi je sais que j'ai sélectionné le D'accord. sérum parce qu'il répond à mes critères qui sont Oui. 100% naturels, vegan. Il y a Ah, 98,8% d'ingrédients d'accord. bio, c'est fabriqué en France. Donc en fait, voilà, c'est pour ça qu'après il faut chercher chez ses fournisseurs s'ils font des Ce produits qui qui te correspond à correspondent. tes critères à toi. Voilà, D'accord. Et comme exactement. ça t'évite le temps finalement de De développement, développer. de recherche. Ils l'ont déjà fait en Et le amont. coût. Et le coût aussi, parce que Ah. développer, ça coûte cher et ça prend effectivement du Oui. temps. Donc, du coup, D'accord. là, c'est tout fait. Et donc, en fait, c'est très facile de trouver des cosmétiques qui sont en marque blanche. Par contre, le maquillage, c'est très rare, ou alors c'est des grosses quantités. On parle en 10 000 ou en 5 000. D'accord. Donc voilà, donc j'avais envie aussi de. Ma marque s'appelle Claret Cosmétique et j'avais choisi exprès cosmétique parce que je savais que je voulais du cosmétique. Diversifier, ouais. Voilà, je ne voulais pas que du make-up, sinon j'aurais pu laisser Claret Make-up. Mais non, ça a été cosmétique. Donc du De coup, façon large. Parce que les voilà. cosmétiques englobent aussi le maquillage, mais là, tu voulais viser le soin Voilà. aussi, petit à Et... petit, ouais, pour être complète dans ton Bah oui, offre. ouais, le but c'est d'avoir une gamme complète. Donc voilà, petit à petit, je fais aussi en fonction des opportunités qui s'offrent à moi, des fournisseurs que je rencontre ou quoi. Mais donc voilà, j'ai lancé ce sérum et la formule est très très clean, hein. Du coup, Oui. j'ai mis du temps à me décider à le prendre, mais je l'ai Ah pris. ouais. Et voilà, ce produit, ce n'est pas ma formule, mais ça respecte mes critères. Donc Voilà. voilà. Mais alors, du coup, en termes d'investissement, il faut quand même, j'imagine, enfin, c'est quand même un coût. Tu avances quand même les frais à chaque fois que tu achètes les produits, même Bah. en marque blanche. Tu passes quand même par la case banque, quoi. Ah bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, c'est que tu achètes un produit, je dis n'importe quoi, tu l'achètes 10 euros et tu en achètes 100. Et donc voilà, et tu payes ta commande et tu reçois les Oui. 100 produits chez toi. Et après, tu les vends D'accord. à ton prix parce qu'en fonction aussi tu peux faire de la modification de packaging, tu peux faire graver des choses ou autre. Et donc, t'as des prix, des coûts qui s'ajoutent. Mais voilà, en fait, c'est comme un grossiste. Enfin, c'est un grossiste Oui, en quelque sorte. d'accord. Mais voilà. Ah, c'est intéressant. Ouais, hyper Voilà. intéressant. Une autre façon de compléter sa gamme finalement. Mais voilà, avec toi, tu avais à cœur que plusieurs, enfin, que tes critères soient respectés, quoi. Voilà. Mais il faut savoir qu'il y a plein de marques qui font ça. Hein. Je ne suis pas la première ni la Bien sûr, bien dernière. Enfin, sûr. et des grandes Oui. marques aussi hein, font ça. Ouais, Donc, ouais. enfin, surtout Pour celles qui ont un croître laboratoire plus pour. Ouais, vite. exactement. Puis Ouais. ben, ça coûte moins cher. Oui, c'est sûr. Oui, parce que Donc. si on. Enfin, en fait, il faut près d'un an à chaque fois pour. Ouais. Ou plusieurs mois pour développer vraiment Ah oui. une formulation entière. Oui, c'est ça. C'est au moins Minimum. 6 mois, quoi. Au minimum un an. Minimum un an. Ouais. Minimum un an. Quand c'est ta propre formule, c'est minimum un an. Et ça peut se compter en plusieurs années parfois. Donc, Oui, si il y a des oui. challenges trop Exactement. élevés. Ouais. D'accord. Ouais, non, c'est pas. Et tes clients, clientes, comment il a fonctionné ce sérum, du coup, il a été bien accueilli? Bah oui, écoute, ouais. En plus, je l'utilise moi-même tous les jours. Donc, du coup. Les 100 bouteilles, c'est toi qui les Non, non, utilises. non, non, non. Non, mais déjà, moi, dès que je fais un produit ou quoi, je fais tester par ma famille. Donc, ma Ouais. mère et ma sœur sont mes premières clientes. Cliente numéro Et une. du coup, ma sœur est très dure et ma mère est très connaisseuse. Donc, du coup, dès qu'elles m'ont donné leur go, j'ai dit c'est bon. C'est la Après, ben. charte Claret, en fait. voilà. Non, non, et j'ai eu que de bons retours. Donc, écoute, pour moi, c'est que ça va. Après, de toute manière. Pour l'instant, Mais en ça termes de va. quantité, ta marque, tes clients t'achètent avant tout ton maquillage ou tu vois que le sérum peut rattraper, tu vois? C'est surtout le maquillage. Parce que bah, je pense que déjà, c'est installé depuis plus longtemps. J'ai aussi des clients qui rachètent du coup par exemple les recharges des poudres régulièrement puisque là je l'ai pas dit mais du coup la poudre libre est rechargeable Oui. hein. Donc en fait c'est plus maquillage parce qu'au début de toute manière j'avais un axe très maquillage et c'est vrai que j'ai lancé le sérum mais j'ai pas beaucoup développé l'aspect cosmétique. J'ai fait une vidéo qui est venue très tardivement dessus. Donc, du coup, c'est plus l'aspect maquillage pour l'instant qui fonctionne encore parce que je suis restée axée sur plutôt côté make-up que Oui, cosmétique, cosmétique. Donc, c'est l'essence au départ ouais. de Claret Cosmétique. Exactement. Alors, du coup, quels seraient les futurs enjeux pour Claret Cosmétique? On le devine, développer davantage de soins. Même pas. Là, en fait, j'ai des rouges à lèvres qui sont en développement depuis plusieurs années, Ah justement. oui. Ouais. Et ça a été un gros challenge parce que je voulais du 100% naturel, vegan, avec un maximum de bio, etc., fabriqué en France, tout ça. Et le naturel, c'est très dur d'avoir du rouge en vegan. C'est-à-dire qu'il ne soit pas issu des cochenilles, hein, c'est ça? Exactement, exactement. Et en fait, quand on va Oui. sur le naturel rouge, on tombe vite sur de l'oxyde de fer rouge qui vire plutôt au rouille, donc orange. Oh, d'accord. Et on a eu beaucoup de mal à trouver des couleurs qui me conviennent, donc j'ai dû faire une petite impasse sur le naturel. On a un petit peu D'accord. abaissé le pourcentage, on n'est plus à OK. 100%, mais on est à plus de 95%. Donc, du D'accord. coup. Voilà, j'ai été Quel est du obligée. coup l'ingrédient qui permet cette belle couleur rouge alors? Alors là, je ne pourrais pas te le Ouais, dire là comme je ça ne le parce que, comprendrai pas non plus, peut-être. en fait, c'est pas. Du coup, ça va être ma propre formule, mais cette fois, c'est pas moi qui le fais. Pour la poudre et l'ombre à paupières, c'est moi qui les ai faites puisque j'étais en laboratoire à ce moment-là. Et Je oui, j'avais les via la ustensiles, etc. formation dont tu parlais. Voilà, Ah oui, exactement. ok. Là, je paye le laboratoire pour qu'il me développe mon produit avec mon cahier des charges. Mais du coup, c'est eux qui font toutes les formules, etc. Moi, je valide ou pas. Ouais. Mais ce sera ma formule à moi. Genre, Oui. personne ne pourra avoir la même, elle ne pourra pas être vendue ou quoi. Je C'est vois. vraiment. Oui. Donc voilà. Donc du coup, le nom des ingrédients, je connais la matière première qui englobe plusieurs ingrédients, en fait. Parce que c'est D'accord. souvent comme ça que ça fonctionne. Une couleur, c'est pas juste un ingrédient. En fait, c'est un assemblage de plusieurs Ah, matières premières avec des d'accord. dosages différents. Mais c'est souvent en fait les oxydes de fer rouge qui donnent la couleur rouge et après c'est atténué avec du noir, du jaune et puis d'autres ingrédients qui ont des noms. Très scientifique, Voilà. latin et tout ça. Oui, je vois. Voilà. Ah, mais donc Donc intéressant. On ouais. pourra peut-être voir des rouges à lèvres prochainement. Mais j'aimerais bien les lancer pour septembre prochain. Et D'accord. aussi me lancer sur le mascara, puisqu'à la base, c'était quand même des mascaras que je voulais faire, des mascaras rechargeables. Oui. C'était mon idée première, mais voilà, ça a coûté beaucoup d'argent, puisque c'est un produit avec de l'eau. Et c'était pas si simple à mettre, mais là, j'ai quelques petites idées, donc du coup, je me dis pourquoi pas me relancer dedans. Ah, génial. Oui, Ouais. le mascara intéressant aussi Ouais. et très challengeant en fait au niveau de la Ouais. composition pour du naturel. Bah. Oui, parce que souvent dans le mascara naturel, on utilise de la cire d'abeille qui du coup n'est pas végane. Eh oui, bien sûr. Donc Et oui, naturel ne veut pas dire vegan. Il y a des exactement. défauts aussi. Et végane ne veut Oui. pas dire naturel non plus. Bien sûr, oui. Ouais. Voilà, c'est ça. Souvent Puisque on par confond les deux. définition, c'est vrai. Par définition, tout ce qui est synthétique est vegan, en fait. Ben oui, sauf ceux qui sont testés sur les animaux. Ah Mais du oui, coup, c'est bien pas sûr. vegan ou qui Oui, sont c'est créés vrai. à base de. Parce qu'il peut y avoir du Qui ont synthétique été pris au dedans. départ Ouais. sur l'animal et qui ensuite sont modifiés. Oui, Ouais, d'accord, ouais, ok. ouais. Oui, Donc, bon, en c'est un petit effet. peu complexe, mais ouais, il faut éviter de faire La vegan égale confusion. naturel ou naturel égale vegan, puisque Et c'est pas oui, vrai. c'est pas vrai. Non, ouais, c'est Ouais. deux choses distinctes. En fait, là, comme tu es en train de développer, donc tu dois investir pour tes rouges à lèvres et peut-être ensuite le mascara. Est-ce que les ventes que tu as pu faire sur tes produits déjà sortis permettent de le financer ou c'est plus en mode là tu fais un investissement encore gonfler ta gamme et tu espères le retour sur investissement par la suite. Alors, les rouges à lèvres, en fait, j'avais payé la totalité au laboratoire au tout début, donc au lancement, quand j'avais eu un prêt à la banque pour lancer ma D'accord. société. Oui, les rouges à lèvres, en fait, j'ai tout payé au départ, au lancement de ma société, donc j'avais eu un prêt à la banque exprès pour investir là-dedans. Pour le mascara, en fait, je ne pense pas que les ventes puissent justement comment dire, financer le développement en totalité. Il y a quand même des frais annexes à côté. Et puis, ben, il faut savoir qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai repris mes études, je travaille à côté. Donc, en fait, je ne suis pas à 100% sur ma société. C'est une activité parallèle. Voilà. Oui, Bon, ouais. Donc, soit je fais un appel, une cagnotte, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le crowdfunding. Voilà, crowdfunding. Soit c'est moi qui finance en général, personnellement. Oui, je vois. Ouais, Donc, ouais, ouais. c'est Comme ça. tu travailles à côté, bah, tu prends finalement de Voilà. ton salaire pour continuer C'est à ça, c'est faire ça. fonctionner Claire Cosmétique. Et on nous demande, mais c'est peut-être indiscret si tu veux pas répondre, dans combien de temps pensez-vous que votre marque sera rentable? Peut-être que tu sais pas d'ailleurs. Alors, ben non, mais l'année dernière, j'ai eu un exercice à l'équilibre. Donc, justement, et c'était la troisième année comptable. Sauf que 2022, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est très calme quand même. 2022, je pense que l'inflation, etc., n'y est pas pour Ah rien. ouais, oui, c'est clair. Ça a été très calme parce que, en fait, moi, le Covid, ça a quand même pas mal boosté mes ventes. 2020-2021 ont été Ah, de le très bonnes côté en années. ligne. Oui, exactement. Et puis aussi, les gens faisaient attention à ce qu'ils mettaient sur eux, du coup. Enfin, il y a Ouais, quand ouais. même eu beaucoup de gens qui se sont tournés vers le naturel, le bio, le vegan. C'est Ça a vrai. été des bonnes années pour ça. Mais c'est vrai que 2022, ça s'est Comme tu dis, globalement. l'inflation, là, il y a d'autres D'autres. problématiques. Voilà, exactement. Et puis ça a été pour tout le monde, hein. J'en ai parlé à ma coiffeuse, c'est pareil pour elle. D'autres amis qui sont dans les cosmétiques, c'était très calme aussi. Donc, en fait, cette année, je ne sais pas si cette année va être rentable. Justement, mon bilan arrive à la fin du mois. Et oui, bah bravo en tout cas d'arriver à concilier tout ça. Et justement, dans les informations que nous faisons deviner à nos auditeurs ce soir, il y a le thème, finalement, le domaine de ta reprise d'études, puisque, chers auditeurs, dans Beauté Imaginée, l'imaginaire, c'est aussi la force de l'audio. Vous n'avez que la voix d'Alice et son expérience, ses réponses pour deviner les informations que nous vous faisons deviner. Son âge, le domaine du coup dans lequel Alice a repris ses études, le membre d'une famille mondialement connue avec lequel Alice a fait un manège à Disney, la Tour de la Terreur. Pour le concert de quel groupe de musique Alice a-t-elle travaillé cet été? Voilà. Alors, Sophie nous proposait 35 ans, master audiovisuel, concert de Coldplay et star dans le manège Céline Dion. Il y a du bon. Oh oh, bravo Sophie, on continue. Chris nous propose 30 ans, master de marketing digital, Benoît Magimel et le concert de Bigflo et Oli. Il y a que du faux. On continue, désolé Chris. Juju nous dit 30 ans, master en école de commerce, Mimi Mati et We Love Green pour le Nope. concert. Non. Rien du tout. Astrée, 31 ans, master marketing, Aya Nakamura et le concert PNL. Il y a du vrai. Suspense, suspense. Le fils de Bernard Arnault pour Non, la non, non. célébrité dans le Non, manège. non. 34 ans. Non plus. Alors, dis-nous, Sophie est contente d'avoir eu au moins une bonne réponse. Alors, quelle était la bonne réponse de Sophie, si tu te souviens de ses C'était propositions? Coldplay. Ouais, concert de Coldplay cet été. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as fait? Quelles étaient tes Alors, tâches? en parallèle de tout ça, je suis Ouais, c'est aussi, clair. je suis aussi toujours en freelance, enfin, statut micro-entreprise, auto-entrepreneur, pour continuer à travailler en audiovisuel et notamment aussi sur des concerts, puisque je fais ça depuis une dizaine d'années maintenant. Et en fait, je suis assistante de production quand il y a besoin au Stade de France sur des concerts. Donc en général, c'est des gros concerts et cet été, c'était Coldplay. Donc j'étais en charge de coordonner les équipes américaines avec les équipes françaises pour tout ce qui était la distribution des bracelets lumineux que le public porte pendant le concert. Donc si vous y êtes allé, normalement, vous aviez un bracelet lumineux qui s'allumait au rythme de la musique. Et donc, ben, c'était coordonner les équipes pour sortir toutes les caisses des camions, activer les bracelets, changer les piles, les désinfecter, les distribuer, les récupérer et rebelote le lendemain parce qu'il y a Ah eu quand même oui. quatre dates, je crois, cette année, quatre. Ah oui. Donc, du coup, Gros travail. Et on parle de combien de bracelets, à peu près? 70 000 chaque 70 000 jour. bracelets Chaque jour. qu'il faut complètement faire distribuer, récupérer, tu disais Ouais. nettoyer. Oui, c'est colossal. Ouais, c'est assez énorme. Bah, c'est des journées où tu commences à 9-10 heures le matin et tu finis à 1h, 2h du matin, quoi. En Ah fait. ouais, et t'enchaînes direct. Ouais. Et tu rentres chez toi dormir quand même? Ah bah oui, Ou ouais. t'es Mais dans un hôtel à côté? non, non, et en plus j'habite à l'autre bout de l'Île-de-France, donc du coup, c'est un Ah, petit peu. ah ouais. Ouais, j'ai pas beaucoup dormi et puis c'est à base de 33 000 pas environ Ah sur oui. l'appli santé là du téléphone. Donc, Tellement le concert est immense et dès que tu dois, ouais. Bah ouais, oui, parce aller que du coup, voir tu fais un. toutes les portes, il y en a 26, c'est énorme. Puis c'était en plein pendant la canicule, tu sais, quand il faisait 40 et quelques. Ouais. Non, non, je crois que j'ai jamais bu autant d'eau. Alors, moi qui ne bois pas beaucoup d'eau, voilà, là, j'étais vraiment servie. Bien hydraté. Mais voilà, ouais, Alors, c'était bon le. souvenir ou Ah, épuisant? super. Franchement, Ah. j'ai travaillé sur plusieurs concerts et ça, c'est de loin la meilleure mission que j'ai faite parce que j'avais déjà fait Coldplay il y a 5 ans. Et j'adore. En fait, j'adore cette mission-là. Elle est top. Les équipes avec qui je travaille sont top aussi, les équipes américaines. Donc, super expérience, hyper stimulant. C'est crevant, mais à la fin, quand on voit le résultat, en fait, quand on voit Ouais. les lumières dans le public, on dit Ah waouh, oui, moi, ça quoi. rend Enfin, super bien. moi, mais du coup, Ouais. c'est génial. Oui, du coup, tu coordonnes, t'es chef de projet, en fait, mais dans l'événementiel, en Ouais, fait, c'est alors un je peu sais plus ça. comment ils appellent ça, mais c'est à peu près ça en fait. En 10 ans, tu as fait déjà plusieurs concerts, d'autres Oui. aussi, d'autres célébrités, Ouais, d'autres j'ai artistes. fait Madonna, Rihanna, Red Hot Chili Peppers, Justin Timberlake. Ah ouais. Il y a eu Drake. Tu les rencontres dans ces cas-là, les CVT, ou vous êtes trop Non, nombreux? ça dépend. Parfois on les voit, parfois non. J'avais vu les Red Hot parce qu'en fait, enfin, ils étaient dans les couloirs de la production avec nous sans gêne. D'accord. Madonna, avant qu'elle entre sur scène, on se mettait dans le couloir, on applaudissait. Drake, il fallait être planqué dans les bureaux, il fallait pas le voir. Chacun fait un peu Oui, à à sa sa sauce, loi, on va à dire. sa propre. Ouais, donc j'en ai vu certains, d'autres non. Mais Ok. bon, après, voilà, c'est souvent tu es en train de bosser, donc tu n'as pas trop le temps de voir. J'ai vu Oui. des célébrités sur les concerts, bah, sur Coldplay, Oui. j'étais face à face avec Lenny Kravitz, donc Ah. trop cool. Ah ouais, génial. Donc, des petits trucs comme ça, c'est sympa, quoi. C'est clair. Et il y a combien en fait de personnes dans les coulisses d'un concert comme celui de Coldplay? Alors ça, je pourrais même pas te dire parce Ouais. qu'en fait, on est très nombreux. On a plein de postes entre la sécurité, ceux qui construisent la scène, ceux qui sont sous la scène pour faire les effets spéciaux. Franchement, on est, je pense, plus de 100 faciles. Enfin, Oui, beaucoup, oui. je saurais même pas quantifier parce qu'en fait, le Stade de France est tellement grand que je suis sûre que j'ai même pas croisé tout le monde pendant mes missions. Ah Donc, oui, je saurais d'accord. pas trop trop dire. Mais Précisément. ouais, voilà. Ah, génial. Alors, du coup, Coldplay, bravo Sophie, tu avais bien Ouais, trouvé. bravo. Ton âge alors? Je viens d'avoir 31 ans. Et oui, joyeux anniversaire. Merci. Un petit peu en retard, donc là, oui, tu démarres la trentaine avec tous ces projets-ci. Je crois que c'est Astrée qui avait eu bon pour ton âge. Et du coup, en parlant de projet, tu as repris tes études à 30 ans finalement. Ouais, j'ai repris à 30 ans. Ouais. Et personne n'a trouvé le domaine, même si ça s'en est approché quand même. Ouais, On on a sait eu que. commerce, donc Ouais, voilà. ça fait partie des matières en école de commerce. Donc, de quoi s'agit-il? Quel est ton master? C'est un master en gestion des ressources humaines dans les multinationales. Voilà, les ressources humaines. Et en fait, je me spécialise en rémunération et avantages sociaux. C'est une branche très spécifique qu'on appelle comp and ben, ou D'accord. compensation and benefits. Donc voilà, puisque dans ma précédente expérience, j'avais remplacé ma RH pendant son congé maternité et j'ai adoré ça. Sauf que je n'ai pas de master en RH et c'est très important quand même pour postuler sur des postes. Oui, j'adorerais pouvoir vivre de ma marque. Actuellement, ce n'est pas possible, mais j'aime pas rester à rien faire. Et je me On l'a suis compris. dit, je me suis quand même dit que le jour où Clary Cosmétique deviendra une grande entreprise, ce sera bien d'avoir un diplôme en RH pour savoir comment la gérer aussi sur le plan C'est ressources vrai. humaines, en fait. C'est pas Oui. non plus totalement déconnant, entre guillemets, parce que. Oui. Ça reste aussi, De la surtout ce gestion. volet-là, c'est très stratégique aussi, c'est très axé sur la stratégie d'entreprise. Donc voilà, puis ça m'a plu, en fait, j'avais envie, enfin moi je suis très comme ça, quelque chose me plaît, je le fais et voilà. Je suis Plusieurs pas vies dans comme la ça. philosophie de rester 30 ans dans la même boîte, hein, Ouais, d'accord. Voilà. Ah ouais, bah, intéressant. Et dernière info, alors quel est donc avec quel membre d'une famille mondialement connue es-tu monté dans cette attraction de Disney? Personne n'a trouvé. Non, personne n'a trouvé. Donc c'est Kendall Jenner, qui est la petite sœur de Kim Kardashian. Donc maintenant elle est connue aussi Kendall puisqu'elle est mannequin. Parce qu'en fait dans mes mille et une vies que j'ai eues, en auto-entrepreneur toujours, j'ai travaillé donc sur les Kardashian. J'avais fait mon premier stage là-bas et ensuite dès qu'elle venait en France, je travaillais avec elle. Donc dès qu'on venait les filmer en France, voilà, on faisait appel à moi pour aider à toute la coordination dans Paris, réserver les restaurants, faire signer les droits à l'image, etc. Et puis on a visité le château de Chambord, on est allé au Crazy Horse et on a fait une journée à Disney. Et donc en fait, Génial. quand t'es une star et que tu vas à Disney, tu fais pas la queue, hein, tu passes par la sortie, tu rentres Ah et puis vu oui. qu'on était toute l'équipe de tournage avec elle, on s'est tous mis dans l'ascenseur de la Tour de la Terreur et puis on l'a fait tous ensemble. Et donc j'ai une photo où on est tous avec Kendall Jenner en train de faire la Tour de la Terreur, donc c'était trop cool. Puis c'est sympa parce qu'on a pu Drôle. faire les attractions aussi, donc on travaillait mais en même temps on s'amusait, donc Ouais, carrément, et sans faire c'était la queue du coup. Ouais, ouais, Et tu as des anecdotes peut-être sur ce tournage-ci avec les ouais. Non. Kardashians? Eh ben ouais. En fait, au tout début, quand j'avais fait mon stage à Los Angeles, c'était drôle parce que on faisait donc du B-roll. C'est, tu vois, quand tu regardes une série, t'as un petit peu des images de la ville ou des choses comme ça, tu sais, sans voir les personnages, ou tu Oui. vois leur voiture qui va quelque part. Mais en fait, on devait tourner ces images où on voyait leur voiture quand elles se déplaçaient. Et en fait, elles étaient parties, je crois, en République dominicaine. Et donc, nous, l'équipe qui restait à Los Angeles, on devait prendre les voitures et aller filmer les voitures qui vont à Hollywood ou à Beverly Hills ou machin. Et donc, je crois qu'elle avait une Ferrari à l'époque, Kim. On avait la Ferrari, la Rolls-Royce, un Range Rover, enfin, des voitures de fou. Ah, Et d'accord. en fait, on avait la caméra qui était dans le coffre et on avait laissé le coffre ouvert. Et Je le sens ah mal, cette histoire. non non c'est pas mal, en fait c'est OK. pas ça, mais du coup on s'est fait arrêter par la police parce que du coup on n'avait pas le droit de faire ça, mais bon voilà, on s'est fait arrêter une première fois pour ça et puis après une seconde fois on s'est refait arrêter, mais en fait je pense que le mec il avait du coup regardé la plaque parce que ils Oui. peuvent regarder la plaque et à qui appartenait la voiture, et vu qu'il a vu que c'était celle de Kim Kardashian, je pense qu'il a voulu nous arrêter, sauf qu'il a vu que c'était mon collègue caméraman qui était au volant et que c'était Il pas du était tout lui. déçu. Ah ouais. Du coup, en fait, il nous a arrêtés, mais pour rien, parce qu'on n'avait pas fait d'excès de vitesse, on n'avait rien fait D'accord. de bizarre ou quoi, puisqu'on nous avait déjà averti la première fois pour la caméra, donc on faisait attention. Et là, il a dit, enfin, il s'est senti tout bête parce que il s'attendait Il à avoir une cherchait dans la bombasse. voiture. Et il a vu notre collègue qui n'était pas du tout Kim. Donc ça nous a bien fait rire parce que bon, La voilà. déception dans son visage, quoi. Ouais, Sur voilà. son C'était visage. assez rigolo ça quand même. Franchement, et puis c'était toujours sympa quoi, de conduire des voitures de luxe. Ah ouais, Donc en de l'Est, effet. c'était super cool, quoi. Et de voir un peu, du coup, leur quotidien, un peu fou, j'imagine. Bah c'est ça, c'est mon tournée en boîte, dans les restaurants. D'ailleurs, c'était aussi rigolo, une autre anecdote, parce qu'à Ouais. l'époque, je travaillais là-bas, j'avais 20 ans. Et en fait, on est allé tourner en boîte de nuit. Et donc moi, je m'occupais toujours pareil des droits à l'image. Donc dès que quelqu'un apparaissait à la caméra, fallait que je lui fasse signer une autorisation de diffusion de son image. Et je crois que c'est seulement quelques années plus tard qu'une de mes collègues me dit: Ah, mais t'avais pas 21 ans à l'époque? Je dis: Bah non, parce qu'en fait, l'âge légal là-bas pour aller en boîte, c'est 21 ans. Mais oui, Nous, en France, c'est 18 ans. c'est Mais moi, j'avais vrai. que 20 ans. Et c'est seulement quelques années plus tard qu'elle me dit ça. Et je dis: Bah non, j'avais pas 21 ans. Pourtant, vous le saviez tous, tout ça. Ah ouais. Ah, mais le dis jamais, hein, parce que sinon, moi, je me fais taper sur les doigts, tout ça, Ah machin. bah bravo, et là tu le dis comme ça, Il parle pas français. sans scrupule. Ah ça va. Ah, trop drôle, et toi t'avais pas réalisé non plus. Bah moi en fait je me disais que c'était dans le cadre du travail, c'était pas du tout pour Ouais, c'est boire ou vrai. quoi en fait. Oui, Nous on oui. travaillait donc je me disais on Oui, allait tu t'es même pas posé en la cours, question. bah ouais, parce Ah qu'il ouais, n'était c'est pas question drôle. de consommer sur place. Enfin après du coup on est resté, mais moi je buvais pas parce que je conduisais et je savais que c'était interdit, donc j'allais pas m'amuser dans un autre pays à faire ça. Mais enfin en soi on était là pour travailler, donc il n'y avait pas de mal à ça. Oui, c'est sûr. Ah ouais, trop drôle. Ouais, Ouais, c'était les rigolo ça. Kardashians en voyage. Ouais. Et du coup, t'as eu des contacts, enfin, ils te saluaient par exemple, ou tu restes dans les coulisses dans ces cas-là de leur quotidien? Non, bah tu les vois puisque tu es avec elle en visu, enfin dans les restaurants, on débarque tous ensemble ou quoi, machin. Donc tu les vois, tu dis bonjour, mais après, bon, je pense qu'elles ne savent pas qui je suis. On m'a présenté au début, mais il y a tellement de monde sur les tournages, ça fait 10 ans que ça dure, que voilà. Mais on se dit Oui, toujours, hein, bien elles sûr. ont deux, trois interlocuteurs et c'est tout en fait. Non, mais Dans toute l'équipe tout. qui est, en fait, toute l'équipe qui est tout le temps à Los Angeles, ils les connaissent bien, puisque ça fait 10 ans qu'ils, enfin, ils ont travaillé ensemble pendant 10 ans, parce qu'ils travaillent plus avec maintenant, plus sur la même chaîne, enfin, la même prod. Et donc, eux, ils les connaissent bien, les caméramans, les producteurs, etc. D'accord. Mais moi, j'étais là ponctuellement, quoi. C'était l'histoire d'une semaine en France, enfin, une semaine à Cannes, une semaine à Londres. C'était pas non plus. C'était pas toute l'année, tous les jours, 7 jours sur 7. Donc voilà, mais après, C'était en bah, renfort et oui. quand on va travailler, enfin quand on va filmer dans leur maison, on débarque, on est là, bonjour, machin, bon, bah, on filme Oui. lui, et puis t'es dans un coin, mais c'est. Enfin, après, le but, c'est pas de faire la groupie, puisque Oui, c'est sûr. c'est voilà, comme ça. J'ai pas pris ma petite photo, hein, mais. Ouais, c'est clair. Affiché dans un cadre en Ouais. or, mais pas la Non, sur groupie. Instagram. Ah ouais. Mais voilà. Ouais. Très marrant. Très marrant Ouais. comme anecdote. Eh bien, je posterai juste après notre émission ta photo mystère à toi dans la nature. Et nous arrivons du coup à la fin de notre émission sur les poudres de maquillage naturel de Claret Cosmétique. Merci beaucoup à tous d'avoir imaginé ma belle invitée. Vous pouvez suivre les aventures d'Alice sur Claret Cosmétique sur Instagram. Et merci Alice, bien sûr, de nous avoir raconté tout ça, tes différentes vies. Bah, merci Alice de m'avoir invitée. C'était un très bon Je moment. t'en prie, Alice. On nous écrit, c'est ce qu'on appelle être multicasquette. Bravo, j'avoue. Merci beaucoup. Ouais. Et pour ma part, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram pour suivre mes prochains lives et interviews à visage caché. Mon blog, c'est beautéimaginée.com et les podcasts sont disponibles sur toutes les grandes plateformes de podcasts. Dernière question, Alice. Est-ce que tu penses à quelqu'un qui pourrait être un bel invité, une belle invitée pour une prochaine émission de Beauté Imaginée? Ben, alors, moi, j'ai deux personnes en tête, Ouais. on va dire, parce qu'il y en a une. Bon, j'ai vu l'autre jour que tu avais interviewé une Miss. Oui. Voilà, donc il y a une Miss que j'aime beaucoup, puisqu'elle a travaillé sur notre chaîne, mais je ne sais Ouais. pas si elle est accessible, c'est Malika Ménard. Et je Ah trouve que c'est une ouais. très belle personne. Quelqu'un de très très intéressant. Et sinon, en fait, j'ai une amie qui est dans les cosmétiques aussi, qui fait des produits Oui. cheveux. Et en fait, on a fait notre formation ensemble. Ah, On trop drôle, s'est rencontrés d'accord. en formation donc dans le fameux laboratoire dont j'ai parlé plus tôt. Ouais. Et en fait, ben c'est trop bien parce que du coup, on est resté en contact toutes ces années. Moi, je vends ces produits sur mon site maintenant. On a fait un partenariat et en fait, elle est sur un axe différent du mien puisqu'elle est sur le capillaire, Oui. plutôt sur les cheveux crépus, donc, D'accord. mais aussi sur le naturel, bio, vegan, fabriqué en France. Ouais, En fait, même valeur de voilà. profonde. Exactement. Et en fait, on échange beaucoup, on a les mêmes valeurs. Donc, c'est Jalia Nature. Jalia Nature. Ok, Voilà. Elle j'irai regarder avec plaisir. Bonne idée. Le capillaire. Oui, Elle puis a c'est intéressant enfin, ce type de composition, c'est encore différent du maquillage, des soins au visage, etc. Ben Ouais. ouais, elle a de très beaux produits avec des senteurs différentes des miennes. Donc, en fait, je trouve qu'on est très complémentaires toutes les deux. On échange beaucoup et bah, c'est une très belle personne aussi qui a plein de choses intéressantes à dire. Donc, je pense que ça peut être une très bonne invitée. Ok, bah génial, merci. En effet, Malika Ménard, à mon avis, c'est mort. On peut toujours tenter, ouais, on peut toujours tenter. Je vais mettre en story, c'est ma façon de faire et parfois ça fonctionne. On Ben oui. va essayer ça. Mais ouais, très très bonne idée. Dans les deux cas, eh bien, merci encore Alice. Et puis, à bientôt pour un prochain live de Beauté Imaginée. Bonne Merci beaucoup. continuation Alice et bonne Merci. fête de fin d'année. Oui, bonne fête également. Merci Merci. encore. Vous êtes encore là à la fin de cet épisode? Bah, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Maintenant, venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. C'est comme ça que je saurai ce qui vous plaît. Voici beauté imaginée, deux voix et deux visages cachés. Une beauté vous est racontée, puis à visage dissimulé, sa beauté vous est dévoilée, photo postée, Instagrammée. Un indice révélé sur cet homme ou cette femme. Beauté imaginée, c'est mon compte Instagram, sans accent, un tiret. Secret que je me plais à questionner lors de mes lives en invité. Et j'espère moi vous inspirer et j'aspire à vous transporter. Autour d'un thème, vous présenter comment l'invité parle beauté. Ses habitudes même banales, j'attends pas du phénoménal. Je qu'on découvre son idéal de beauté, sa routine normale. Mes chers auditeurs, bienvenue sur Beauté Imaginée. J'espère vous avoir convaincu que j'aime quand vous participez. Allez cliquer pour commenter quand j'interviewe mon invité sur son approche de la beauté. Ou pas, si tu aimes la musique, le classique électronique ou le contemporain. Mes auditeurs estiment, si tu fais plus ou moins, que ton âge à ta voix et à ton expérience, à tes produits, tes choix, tes avis, tes exigences, partagés en transparence. Nobody,